On vient d'entendre 6 nouvelles entrées. La logique veut le cas échéant suspensionné. Oui, il y a des tunes qui sont parties. Donc, Palma, rest in peace. Oui. Just now, tens of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie, let's tell her, let's tell her. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie, let's tell her, let's tell her. Je t'aime juste un peu trop. Je t'aime juste un peu trop. Je t'aime juste un peu trop. Encore tant, toujours. C'était les extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 25 novembre au 1er décembre 2013. Stéphanie, veux-tu la liste complète de ce qu'il y a eu là-dedans? Ah oui, dedans. M'entendez, il y en a 6 là-dedans. On a commencé avec Club Elgag et La fièvre des fleurs qui a duré 10 semaines. Ça va sûrement être dans le palmarès de l'année, d'après moi. Ensuite, Summerland est juste un peu trop, qui a seulement duré 3 semaines, donc vraiment juste pas assez, je dirais, tu sais. C'est pas long, hein? On lui a pas donné de chance, bébé, je trouve. Et Jimmy Hunt avec No Car qui a duré 8 semaines. Ensuite, dans le côté anglophone, Dinosaur Bones avec Sleep Sick qui a duré 7. Ensuite, Royal Canoe qui vient de revenir avec une nouvelle pièce. C'est la pièce Bathtubs, 9 semaines. Et finalement, The Albertans et Casual Encounters qui a duré 6 semaines sur l'album Dangerous Anything. Elle, ça me dérange un petit peu moins qu'elle soit partie. Je dirais, mais le reste, là... Pas mal des affaires que j'aimais, ça. Mm-hmm. Quand même quelques pertes. Donc voilà pour Palmer Rest in Peace. On fait ça chaque semaine dans les palmarès, c'est fou.